Jérémie chapitre 30. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel, en disant. Ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, écris-toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Car voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, a dit l'Éternel, et je les ferai retourner au pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Et ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées touchant Israël, et Juda. Ainsi a donc dit l'Éternel, nous avons ouï un bruit d'épouvantement et de frayeur, et il n'y a point de paix. Informez-vous, je vous prie, et considérez si un mal enfante. Pourquoi donc ai-je vu tout homme tenant ses mains sur ses reins comme une femme qui enfante? Et pourquoi tous les visages sont-ils jaunes? Hélas, que cette journée-là est grande. Il n'y en a point eu de semblable, et elle sera un temps de détresse à Jacob, mais il en sera pourtant délivré. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et que je romprai tes liens, et les étrangers ne t'asserviront plus. Mais ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, lequel je leur susciterai. Toi donc, mon serviteur Jacob, ne crains point, dit l'Éternel, et ne t'épouvante point, ô Israël, car voici, je m'en vais te délivrer du pays éloigné, et ta postérité du pays de leur captivité, et Jacob retournera, il sera en repos et à son aise, et il n'y aura personne qui lui fasse peur. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer, et même je consumerai entièrement, toutes les nations parmi lesquelles je t'aurai dispersé, mais quant à toi, je ne te consumerai point entièrement, mais je te châtierai par mesure, et je ne te tiendrai pas entièrement pour innocent. Car ainsi a dit l'Éternel, ta blessure est hors d'espérance, et ta plaie est fort douloureuse. Il n'y a personne qui défende ta cause pour nettoyer ta plaie, il n'y a point pour toi de remède qui fasse revenir la chair. Tous tes amoureux t'ont oublié, ils ne te cherchent point, car je t'ai frappé d'une plaie d'ennemi, d'un châtiment d'homme cruel, à cause de la grandeur de tes iniquités, tes péchés se sont renforcés. Pourquoi cries-tu à cause de ta plaie? Ta douleur est hors d'espérance, je t'ai fait ces choses à cause de la grandeur de ton iniquité, tes péchés se sont renforcés. Néanmoins tous ceux qui te dévorent, seront dévorés, et tous ceux qui te mettent dans la détresse, iront en captivité, et tous ceux qui te fourragent, seront fourragés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Même je consoliderai tes plaies, et te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. Parce qu'ils t'ont appelé la déchassée, et qu'ils ont dit, c'est Sion, personne ne la recherche. Ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais ramener les captifs des tentes de Jacob, et j'aurai pitié de ses pavillons, la ville sera rétablie sur son sol, et le palais sera assis en sa place. Et il sortira deux actions de grâce et voix de gens qui rient, et je les multiplierai, et ils ne seront plus diminués, et je les agrandirai, et ils ne seront point rendus petits. Et ses enfants seront comme auparavant, et son assemblée sera affermie devant moi, et je punirai tous ceux qui l'oppriment. Et celui qui aura autorité sur lui, sera de lui, et son dominateur sortira du milieu de lui, je le ferai approcher, et il viendra vers moi, car qui est celui qui est disposé son cœur pour venir vers moi, dit l'Éternel. Et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur est sortie, un tourbillon qui s'entasse, il se posera sur la tête des méchants. L'ardeur de la colère de l'Éternel ne se détournera point, jusqu'à ce qu'il ait exécuté et mis en effet les desseins de son cœur, vous entendrez ceci au dernier jour.